crue du calvaire. Mettez-moi la main sur ce chemin, chemin de souffrance, perdant sa vie, pour la retrouver dans sa parole, laissant sa parole, croyant sa parole, du temps des noces tristes, la paix de Dieu, louant sa vision, rendant sa grâce, Jésus nous parle, plus du calvaire, laissant sa parole, croyant sa parole. Sa grâce, Jésus nous parle en plus du calvaire. Les appels divins, Jésus en parle, qui dans l'esprit du temps des promesses, la parole parlée s'accomplit en Christ. Jésus nous parle, flux du calvaire, laissant sa parole, croyant sa parole, du temps des noces tristes, la paix de Dieu, louant sa vision, dans sa grâce, Jésus nous parle. Jésus nous parle plus du calvaire.